C'est vrai que avec la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte que non pas seulement l'Europe, mais l'Allemagne, les populations européennes, la population allemande s'est vraiment mobilisée pour ouvrir les frontières, pour accueillir les Ukrainiens, pour pouvoir également donner des facilitations d'insertion qu'on n'a jamais connues dans toute l'histoire de l'Allemagne. Et donc déjà, par rapport à ça, nous avons également été contactés, ça c'est une histoire qui est vraiment intéressante, on a été contactés quand la guerre a commencé, c'était le 24 février, cela a un an, nous avons été contactés le 26 février, donc hier, par des Africains qui habitaient en Ukraine. Donc ces Africains n'avaient pas le droit de sortir de l'Ukraine, et même quand ils sortaient de l'Ukraine, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans des bus qui étaient en fait gratuits pour venir en Allemagne, pour aller en France, pour aller dans d'autres pays européens comme les Ukrainiens. Afrique Média, le monde, c'est nous.